Salut Rook, aujourd'hui on va parler d'une figure emblématique qui a accompagné Johnny pendant plus de 25 ans. T'as deviné de qui on va parler ? Bonjour à toutes et tous, bonjour JP, bien sûr, je pense que tu veux parler d'Eric Bami, l'ombre vocale de Johnny. Ce gars-là, c'était plus qu'un choriste, hein. Il a composé une quinzaine de titres pour Johnny, comme par exemple le rock'n'roll aîné ou Entre violence et violon. Il était super sympathique, je l'ai rencontré plusieurs fois, un gars en or. Et en absence de Johnny, lors des répétitions et des balances d'avant-concert, c'est sur la voix d'Eric que scalaient les musiciens. C'était une vraie âme sœur sur scène avec Johnny. Âme sœur. Est-ce qu'on dit âme frère ? Je sais pas. Exactement. Eric a rejoint l'aventure en 1975, engagé comme choriste par Lee Hallyday. Et crois-moi, il a laissé une marque indélébile sur certains des moments les plus forts de la carrière de Johnny, et notamment auprès des fans. Oui, JP, comme au Palais des Sports en 76, tu te rappelles, là où Johnny interprète les classiques comme Gabriel ou Requiem pour un fou, Eric était au sommet, hein, il dirigeait les chœurs avec une précision vraiment redoutable. Je n'étais qu'un fou, mais pas. Oui, et puis on pourrait aussi parler de l'album Johnny Live à Bercy en 1987. Eric était au cœur de ce show électrique, apportant une grosse profondeur et une intensité qui donnait des... Ouais, tu as raison, j'ai payé des frissons. Et, sans oublier l'album Rock'n'Roll Attitude en 85, même s'il était surtout présent sur les performances live, sa voix était un élément clé des harmonies dans les tournées qui ont suivi. Oui, et ce qui est fascinant avec Eric, c'est qu'il ne se contentait pas de chanter. Il était aussi le chef des chœurs et veillait à la qualité vocale des concerts. C'était un pilier invisible, mais absolument indispensable. Au début des années 90, il devient d'ailleurs le coordinateur artistique de Johnny. Oui, JP, tu sais, il avait une énergie folle sur scène. Je me souviens des lives de la tournée Tour 66. Même si Eric n'était plus présent à cette époque, son empreinte sur les années précédentes était indéniable. Son travail a inspiré toute une génération de choristes. Absolument. Vous savez que sur certains titres, il a ajouté ses arrangements vocaux qui ont donné une dimension presque gospel aux performances live. Oui, c'est vrai, JP. Et il avait une voix pour le gospel en plus. Et à chaque fois qu'on entendait les chansons comme Que je t'aime, par exemple, on sentait cette alchimie parfaite entre Johnny et les chœurs. Eric était un vrai magicien. Dans tes cheveux s'étale comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Dans l'ombre et la lumière, dessine sur ton cœur les montagnes, les forêts et les îles au trésor que j'ai. aussi de son rôle dans l'album live Laura Datour en 1995. Johnny était dans une phase introspective et puis les chœurs étaient cruciaux pour sublimer tous ces fabuleux morceaux comme Je la croise tous les matins. La croise tous les matins, 5h40, elle va prendre son train et moi je rentre. Ouais, bah tu sais, Juppé, Eric n'était pas seulement un musicien, hein, il était un véritable confident pour Johnny. Hein, leur collaboration allait bien au-delà de la scène. C'est vrai, et souvent Johnny travaillait de cette façon. Et puis, même après avoir quitté l'entourage de Johnny en 2000, Eric a continué de chanter et de transmettre sa passion. Mais son association avec Johnny restera l'un des sommets de sa carrière. Ça a été la partie la plus mémorable pour lui. On peut dire d'Eric qu'il faisait partie de cette équipe qui a forgé la légende Hallyday. Chaque note, chaque harmonie chantée était comme un hommage au rock et à la puissance émotionnelle de sa musique. Effectivement, leurs deux voix se combinaient super bien. Et si tu devais retenir une seule performance d'Eric avec Johnny, ce serait laquelle ? Oula, c'est difficile, JP. Mais je dirais Gabriel au Stade de France en 98. Hein. Les cœurs déchirés tout, c'était vraiment épique. Et toi, JP, tu retiendrais quoi ? Moi, je dirais l'introduction de Requiem pour un fou en 1976. Ce mélange d'intensité et de délicatesse, pour moi, c'est inoubliable. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bateau. Je touche celui qui fait un pas, je ne ferai pas le cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Une chose est sûre, c'est que Johnny et Eric formaient un duo indéfectible, même si Eric était souvent dans l'ombre. Eric s'était même occupé des arrangements et de la direction d'un duo incroyable entre Johnny et Montserrat Caballé, tu t'en souviens ? Ce qui m'a frappé à l'époque, c'était évidemment il y avait Montserrat d'un côté et puis Johnny de l'autre, qui s'attaquait à l'œuvre qu'on connaît, chanter pour ceux. Donc Montserrat tenait absolument à ce que cette chanson existe, à ce qu'ils la chantent ensemble. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'était la façon dont chacun, de leur côté, avait une appréhension, en fait. Ils voulaient tous les deux le faire. Johnny, bien sûr, parce qu'il ne savait pas exactement où il allait. C'était une chanson qu'il connaissait déjà, bien sûr, mais qu'il fallait un petit peu transformer, qu'il fallait peut-être s'approprier, et surtout avec des arrangements qui étaient totalement différents de la version originale, bien sûr. Donc ça leur faisait peur. Il fallait d'abord qu'ils essaient de se connaître, mais en très peu de temps. Le temps d'une chanson, donc c'était très difficile. Montserrat, pour moi, dans mon esprit, c'était bon, quelqu'un qui a une grande stature, une grande star de l'opéra. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de simplicité. Et d'un seul coup, quand elle m'a demandé de la diriger, de la coacher, moi, j'étais très impressionné parce que elle sait, de toute façon. Mais elle préfère se faire diriger. C'est peut-être une façon de mieux s'imprégner de l'œuvre. Et puis de l'artiste avec lequel elle va chanter. Et en écoutant, je crois que c'est le premier jet ou le deuxième jet de l'œuvre, parce que je pense qu'ils ont enregistré, je crois que c'est deux fois hein, maximum. Hein. Ça n'a pas été laborieux, ça s'est passé comme ça dans la spontanéité. Et je les ai vus tous les deux l'un à côté de l'autre, et ça c'était même extraordinaire et attendrissant. Parce que tous les deux avaient l'impression d'avoir fait quelque chose qui était digne. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux, ouais, qui sont loin. Ah oui, c'est un duo qui me ferait presque sortir des larmes. C'est vraiment un super duo. En plus, c'était inattendu. Et cette ombre aussi éblouissante dans ce titre et les projecteurs qui minaient Johnny, vraiment, c'est super. Bon, allez, on lève nos verres à Eric Famine et à tous les artistes qui œuvrent dans l'ombre des légendes, comme Eric l'a fait. À la tienne, JP. Et à la tienne, Eric, une grosse pensée pour toi. If you don't care about me anymore, I hope you wouldn't mind if you stay. But I don't care about the word you say. Since I know you try to interest me. You don't care about me anymore. Get some of your time to call on me. I know. 'Cause I don't care.